cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha. Hey. Tu voulais mettre les voiles, t'as sauté du navire. Faudrait qu'une autre monte à bord pour que mon cœur chavire. Mais je veux pas, non je peux pas, car je t'ai pas oublié. Maintenant j'ai mon bouclier, aucune femme va me bousiller. Le fruit de l'amour, une grenade, j'ai fini par dégoupiller. Ton cœur était un trésor comme un pirate, j'ai tout pillé. J'avais pas pris conscience du diamant 24 carats. Je t'ai pas mis en confiance, 2.0 la Kaira. C'est trop tard, t'as tes cales, je dois avant, c'est sans toi. Street love, quand faut le dire, tu le sais bien, je suis sans voix. J'ai refait le calcul, plus d'une fois, plus de 100 fois. Quel que soit le résultat, au final, t'es sans moi. C'est trop tard, t'as tes cales, je dois avant, c'est sans toi. Street love, quand faut le dire, tu sais bien, je suis sans voix. J'ai refait le calcul, plus d'une fois, plus de 100 fois. Quel que soit le résultat, au final, t'es sans moi. En amour, je suis avare, je perds la raison comme Ivar. Et même quand je fous le cafard, pour moi je te donne du caviar. Pour mes potes, tu es conseiller, je les aiguille, je les renseigne. Mais quand c'est moi le concerné, je me détruis, je me renferme. Tu peux me faire mon procès, je suis fautif, je suis coupable, pas de motif, je suis tout calme. En coulisses, je suis tout pâle. J'avais pas pris conscience du diamant 24 carats. Je t'ai pas mis en confiance, 2.0 la Kaira. C'est trop tard, t'as tes cales, je dois avant, c'est sans toi. Street love, quand faut le dire, tu le sais bien, je suis sans voix. J'ai refait le calcul, plus d'une fois, plus de 100 fois. Quel que soit le résultat, au final, t'es sans moi. C'est trop tard, t'as tes cales, je dois avant, c'est sans toi. Street love, quand faut le dire, tu sais bien, je suis sans voix. J'ai refait le calcul, plus d'une fois, plus de 100 fois. Quel que soit le résultat, au final, t'es sans moi. T'as tes cales, t'es sans doigt, quand faut le dire, sans voix. Le calcul, plus d'une fois, plus de 100 fois. Résultat, au final, t'es sans moi.